السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir réunis en ce mois de Ramadan, un mois béni, un mois de jeûne, de prière, de lecture du Coran, de méditation, un mois dans lequel on nourrit les pauvres et les nécessiteux. On remercie donc Allah Azza wa Jal de nous avoir permis d'atteindre ce mois et de nous permettre de jeûner ce mois avec foi et conviction, et en espérant sa récompense. Nous lui demandons également de nous compter parmi les affranchis de l'enfer. Sachez, chers frères et sœurs, que ce Coran que nous avons entre les mains a été révélé pendant le mois de Ramadan. Allahu Azza wa Jal a dit à cet effet: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans le sens rapproché du verset, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran fut révélé, descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Ce Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, incréé, et ceci est la croyance des gens, de la Sunna et du groupe. Nous avons donc aimé pour ce mois de Ramadan, s'arrêter sur certains passages de ce noble Coran, afin d'en tirer des bénéfices, des profits, des orientations, et ceci à travers les explications de nos savants. Notre choix s'est porté sur un passage de la sourate Luqman, dans laquelle Luqman, le sage, oriente et donne plusieurs recommandations à son fils. Afin d'expliquer et tirer profit de ce passage, nous allons ensemble lire l'explication d'un grand savant, parmi les savants contemporains, toujours en vie. C'est le grand savant de Médine, le noble Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafizahullahu ta'ala, qu'Allah le préserve et allonge sa vie. Cette explication a été faite, cette explication du Cheikh a été faite lors de ses différentes assises de rappel dans l'explication du noble Coran. Qu'Allah Azza wa Jal le rétribue pour ses travaux, qu'il nous assiste, nous accorde la réussite et nous compte parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets: nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le point d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience, telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. dans le sens des versets. Sourate Luqman, versets 12 à 19. Ensuite, le noble cheikh, qu'Allah le préserve, a dit: j'ai souhaité et aimé que l'on médite ensemble sur ces versets immenses, dans lesquels sont regroupés des règles et bénéfices dans la croyance, dans l'adoration, les comportements, dans l'ordonnance du bien et dans la réprobation du blâmable. Ces versets font partie des versets immenses qu'il convient à chacun d'entre nous de méditer et de tirer profit de ces versets dans le dogme, dans l'adoration, dans le comportement, car certes nous apprenons pour pouvoir par la suite appliquer et mettre en pratique, et afin de se parer des comportements tirés du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah mentionne son bienfait qu'il a octroyé à Luqman, Luqman le sage, connu par cette caractéristique qui est toujours liée à son nom. Car Allah a attesté qu'il a octroyé à Luqman la sagesse. De par cette faveur qu'il lui a octroyée, Allah lui a ordonné d'être reconnaissant. Allah a établi une règle. Il a dit: وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour lui-même. Car le bénéfice et le profit de la reconnaissance revient au serviteur lui-même. Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Si les gens sont reconnaissants envers Allah, ce n'est que dans leur intérêt. Et si les gens sont ingrats, c'est à leur détriment. Leur reconnaissance ne lui est d'aucune utilité et leur ingratitude ne lui cause aucun tort. Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant à plusieurs reprises, notamment dans le hadith de Abi Dharr radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans le hadith al-Qudusi: Ya ibadi, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ô mes serviteurs, vous ne saurez ni me nuire ni m'être utile. Ensuite, dans la continuité du hadith: mes serviteurs, si du premier au dernier homme est digne, vous aviez tous le cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Si du premier au dernier homme est digne, vous aviez tous le cœur du plus pervers d'entre vous, cela n'enlèverait rien à mon royaume. Hadith rapporté par Muslim. Et certes, et cette règle est présente dans le Coran et dans la Sunna. Allah Azza wa Jal a dit: Man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. Sourate Fussilat, verset 46. Le cheikh continue, il dit: Allah a fait les éloges de Luqman pour lui avoir accordé la sagesse. Puis il a mentionné quelques-unes des sagesses qu'il a octroyées à Luqman dans la parole. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant: « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Surat Luqman, verset 13. La sagesse consiste à mettre chaque chose à sa place. Et cette caractéristique était présente chez Luqman. Elle est également présente chez tout prêcheur sage qui met les choses à leur place. Et tous les prophètes étaient des savants qui faisaient preuve de sagesse et ils mettaient les choses à leur place. Ils cheminaient sur cela dans leur prêche et ils éduquaient les gens à la base de cette sagesse. Fais partie de la sagesse, que tu commences par la plus importante des choses. Comme on peut le voir dans le hadith de Mu'adh, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifie et explique la méthodologie dans l'appel à Allah Azza wa Jal. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiyallahu anhu: innaka ta'ti qawman ahla kitabin, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah. Tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit qu'ils attestent qu'il n'y ait nulle divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. À la suite de cela, il a mentionné la prière et l'aumône. À la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière et l'aumône pour montrer l'importance ou la chose la plus importante qui est le fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Luqman a aussi agi de la sorte. Il a invité son fils au tawhid, à l'unicité d'Allah, et l'a mis en garde contre le polythéisme. Et après cela, il lui ordonna la prière, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ceci prouve sa sagesse. C'est certes partie de la sagesse que tu chemines sur la méthodologie des prophètes lorsque tu appelles les gens à Allah. De même, lorsque tu les éduques à la religion d'Allah, tu commences du plus important à l'important. Nul doute que la croyance, l'unicité d'Allah, la purification des cœurs et des sociétés du polythéisme sont les bases auxquelles il n'est pas permis de commencer par autre que ses fondements. Et quiconque se passe et ignore cette méthodologie et invite et ou invente une autre méthodologie qui contredit la méthodologie des prophètes, c'est certes égaré du chemin. Allah Azza wa Jal dit par la suite, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Il nous dit, il n'y a pas pire injustice que le fait de commettre le polythéisme, donner des associés à Allah, car c'est un péché qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt sur ce péché. Allah a dit à cet effet, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate An-Nisa, verset 48. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, quiconque donne des associés à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Sourate Al-Hajj, verset 31. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Sourate Luqman, verset 13. Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsque le verset 82 de Sourate Al-An'am, ceux qui ont cru, dans le sens du verset, ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, a été révélé, ceci a troublé et perturbé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dit, qui d'entre nous n'a jamais été injuste avec sa propre personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ce n'est pas ce que vous pensez, mais plutôt ce que Luqman a dit à son fils, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliqua ce qui est voulu du terme polythéisme lorsqu'il est utilisé de façon absolue, qui veut dire le polythéisme majeur, qui fait mériter à son auteur la colère d'Allah, son châtiment éternel. C'est un péché qui n'est pas pardonné si la personne meurt sur ce péché. Mais si la personne se repent, alors, si la personne se repent avant sa mort, sincèrement, alors Allah Azza wa Jal accepte son repentir. C'est pour cela que Luqman a dit à son fils, le polythéisme est vraiment une injustice énorme. Ensuite, à la suite de cela, Allah Azza wa Jal plaça une parole au cours des recommandations de Luqman le sage à son fils. Allah confirme le droit des parents après son droit. Et dans beaucoup de versets du Coran, Allah mentionne son droit et le fait suivre du droit des parents. À titre d'exemple, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate An-Nisa verset 36, adorez Allah et ne lui donnez pas d'associé et agissez avec bonté envers vos parents. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, et Allah a décrété, n'adorez que lui et agissez avec bonté envers les parents. Sourate Al-Isra, verset 23. Et ici, dans cette sourate, Allah, dans Sourate Luqman, Allah mentionne les recommandations de Luqman à son fils et la fait suivre par sa parole, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à 2 ans, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Allah recommande à l'homme de préserver le droit de ses parents et de faire preuve de bienfaisance envers ces derniers. Ensuite, Allah a évoqué les causes qui rendent obligatoire à l'homme la reconnaissance de leurs droits. Il a souligné la souffrance de la mère, cette mère envers qui Allah t'a ordonné d'être bienfaisant. Allah Azza wa Jal a dit, sa mère l'a porté peine sur peine, c'est-à-dire faiblesse sur faiblesse. La femme en général est faible physiquement. Et à cela s'ajoutent les douleurs de la grossesse, ses problèmes et ses difficultés, comme les nausées, les vertiges et autres. Ensuite, vient après cela, les douleurs et la difficulté de l'accouchement. Allah Azza wa Jal a dit, elle l'a porté avec difficulté, puis l'a accouché avec difficulté. Difficulté, fatigue et danger pour elle, car elle peut mourir lors de cet accouchement. Puis après cela, elle t'élève, veille sur toi durant les nuits. Allah transforme son sang en lait afin qu'elle puisse t'allaiter. Et après cela, l'éducation, la garde, la fatigue, les pleurs, les peines, tu te dois donc d'être reconnaissant et de compenser cela. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a lié la reconnaissance envers les parents à la reconnaissance envers lui. Il dit, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Si tu n'accomplis pas et ne préserves pas le droit d'Allah et n'es pas reconnaissant envers tes parents, il se peut qu'Allah te châtie pour ne pas avoir accompli le droit d'Allah et le droit des parents. Il nous dit quant à sa parole, vers moi est la destination. Dans ce verset, il y a une menace. Et Allah te demandera et te jugera sur ce que tu as devancé dans cette vie d'ici-bas. Est-ce que tu as été reconnaissant envers Allah? As-tu accompli les obligations qu'Allah t'a ordonnées? Et parmi ces obligations, après le droit d'Allah, il y a le droit des parents. Il dit, par Allah, il y a certes un jugement qui t'attend si tu n'agis pas avec bonté envers tes parents. Allah ne t'a pas créé en vain, délaissé sans but, mais il t'a créé pour que tu l'adores, pour que tu accomplisses ses ordres et que tu t'éloignes de sa désobéissance. Et parmi ses ordres, il y a l'ordre d'être bon envers tes parents, après avoir accompli et préservé le droit d'Allah Azza wa Jal. Et certes, Allah ne fait pas perdre la plus petite mesure de bonne action et ne fait pas la moindre injustice. Fin de la parole du Cheikh pour l'explication de ces trois premiers versets. Parmi les leçons et les bénéfices que nous pouvons tirer de ces trois premiers versets, nous voyons que la sagesse est un don et une faveur d'Allah Azza wa Jal, à travers laquelle il gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et ceci est tiré de sa parole, et nous avons donné la sagesse à Luqman. Et la sagesse, comme nous l'avons vu dans la parole du Cheikh, c'est de placer chaque chose ou de mettre les choses à leur place. Également, ce que nous pouvons tirer comme bénéfice et comme leçon, l'obligation d'être reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous octroie. Et ceci est tiré de sa parole, soit reconnaissant à Allah. La reconnaissance est également une cause que les bienfaits perdurent, alors que dans l'ingratitude, les bienfaits cessent et disparaissent. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets ou du verset, « Lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim, verset 7. Le serviteur remercie Allah Azza wa Jal et est reconnaissant lorsqu'Allah lui octroie un bienfait. Et cette reconnaissance se caractérise par trois choses. Premièrement, avec la langue. Le serviteur est reconnaissant avec sa langue. Il atteste de cela par sa langue. Deuxièmement, avec le cœur, en ayant comme conviction dans son fort intérieur que ce bienfait provient d'Allah Azza wa Jal, et en reconnaissant le bienfait d'Allah sur sa personne. Troisièmement, d'être reconnaissant avec les membres, en utilisant ses bienfaits dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Allah dit à cet effet, « I'amalu ala Dawood shukra, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dans le sens rapproché des versets ou du verset, ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Sourate Saba, verset 13. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, c'est qu'Allah Azza wa Jalla n'a nul besoin de notre reconnaissance, mais le bénéfice revient aux serviteurs, et ceci est tiré de sa parole, quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour lui-même ou que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en réalité Allah se dispense de tout. Il est certes le digne de louange. Sourate Luqman, verset 12. Ceci est également appuyé par le hadith que nous avons mentionné dans la parole du Cheikh, le hadith de Abi Dharr radiallahu anhu. Parmi les leçons que nous pouvons tirer également du premier verset, Allah Azza wa Jal est celui qui se dispense de tout, contrairement à ses serviteurs, à ses créatures qui sont dépendantes de lui. Allah est également celui qui mérite les louanges les plus parfaites. Et Allah est certes loué pour ses noms et attributs parfaits, et il est loué pour les bienfaits qu'il octroie à ses serviteurs. Parmi les leçons que nous pouvons tirer, il y a l'importance d'être doux, tendre lorsque l'on exhorte ou donne un conseil, car cela a un impact direct sur le cœur. Et ceci est tiré de la parole d'Allah lorsque Luqman interpella son fils en lui disant « Ô mon fils !» Parmi les leçons que nous pouvons tirer également, l'importance de commencer son prêche, son exhortation par les choses les plus importantes. Il convient également d'éduquer les enfants dès leur plus jeune âge au fondement de cette religion qui est le tawhid, et la mise en garde contre le polythéisme. Et ceci est tiré de la parole d'Allah lorsque Luqman dit à son fils, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. » On voit à travers cela que Luqman le sage a commencé par la chose la plus importante, la mise en garde contre le polythéisme, qui est le contraire du tawhid et qui est le pire des péchés. Parmi les leçons à tirer de ces versets, l'association, le polythéisme, le shirk, est une énorme injustice. Effectivement, la sagesse est de mettre les choses à leur place. Y a-t-il donc une injustice plus énorme que de mettre l'adoration à une autre place, à une place qui ne lui convient pas? Allah est celui qui crée, qui donne la subsistance, qui gère l'univers, qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Il est donc celui qui mérite l'adoration exclusive. Et le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah est certes une énorme injustice. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, le fait d'être bon envers les parents et de les honorer et de ne pas leur causer du tort. Et ceci est tiré de sa parole, nous avons commandé à l'homme d'être bienfaisant envers ses pères et mères. Parmi les leçons à tirer de ces versets, la place de la mère par rapport au père. Ceci dû à ce qu'elle a subi comme fatigue, douleur, peine à l'égard de l'enfant. Et ceci est tiré de sa parole, sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à 2 ans, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Et dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, rapporté par Muslim, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mérite le plus ma compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire « Ta mère » à 3 reprises, puis de dire « Ton père ». Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal a fait le lien entre son droit et le droit des parents, pour montrer l'importance du droit des parents et la gravité d'être malfaisant à leur égard, qui constitue un grand péché. Et pour terminer, parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, le fait de se rappeler constamment que le retour se fera vers Allah. Et ceci aidera le serviteur à accomplir et à préserver le droit d'Allah et par la suite le droit de ses parents. Et ceci est tiré de sa parole, Subhanahu wa ta'ala, vers moi et la destination. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته